بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le mardi. Aujourd'hui, le mardi 25 juillet de l'année 2023, correspondant au 7 du mois Muharram de l'année 1445 de l'Hégire. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'entamer cette nouvelle série sur la réfutation de l'athéisme. Et nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité. Et de nous permettre de ne viser que la vérité. Donc, je vais essayer de me focaliser sur le côté pratique qui nous concerne dans l'athéisme. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les définitions et les différentes notions qui puissent concerner ce domaine. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet, si Allah nous le permet. Donc, quand on parle d'athéisme, il faut savoir qu'il y a différents courants de l'athéisme. Les courants de l'athéisme sont très très nombreux. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir que l'athée est celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Nous avons aussi l'agnostique qui croit que les hommes ne sont pas capables de savoir s'il existe un Dieu ou pas. Donc il est dans une position de doute, il ne se prononce pas. Mais pourquoi on ne va pas s'attarder sur les différents courants de l'athéisme? Car la finalité est la même. La finalité est la même. L'athéisme, d'une manière générale, nie l'existence de Dieu. Et le Dieu qui est nié par les athées, quand ils parlent du Dieu, ils visent le plus souvent le Dieu des monothéistes. Le Dieu des monothéistes. Et aussi, comme point très important à savoir, c'est que les athées occidentaux, quand ils critiquent la religion, ils critiquent la religion chrétienne. Ils critiquent la religion chrétienne. Ça, c'est pour les athées occidentaux d'une manière générale. Quand ils critiquent la religion, c'est la religion chrétienne. À notre époque, ils ont adressé leur critique également à la religion de l'islam. Mais avant, quand ils parlaient de certaines preuves pour eux, pour montrer la contradiction dans la religion, ils visaient la religion chrétienne. Donc si on veut résumer, un athée ne croit pas en l'existence d'un Dieu unique, transcendant, créateur du monde. Pour l'athée, il n'existe que la matière, rien qui la transcende, comme tout l'univers d'ailleurs, composé de molécules et d'atomes. Donc, l'homme, pour l'athée, on parle de l'athéisme d'une manière générale. Et on parle de cette conviction, de ce dogme, de cette croyance, de cette religion. Car l'athée, il pense fuir la religion quand il adhère à ses courants. Alors que, comme on va le réaliser, en fin de compte, il est dans une forme de religion. Mais au lieu d'adorer le Dieu unique, transcendant, créateur de toutes choses, il adore ses passions, il adore, au lieu de diviniser Allah, il va attribuer les caractéristiques d'Allah à ce qu'il va appeler la nature avec grand N, ou la coïncidence, ou le hasard, ou la matière, ou autre chose. Donc il est effectivement dans une forme de religion et de croyance. Et ça, c'est parmi les plus grandes preuves contre l'athée, c'est que il a un besoin au fond de lui, qu'il ne peut pas expliquer. Un besoin d'avoir une foi, une croyance. Et c'est pas n'importe quelle croyance qui va lui procurer un équilibre et une stabilité dans sa vie. Il n'y a que la bonne croyance qui lui donne cela. Donc, l'athée, pour lui, il n'existe que la matière. Il n'existe que la matière. Tout l'univers est composé de molécules et d'atomes. Et l'homme, pour l'athée, c'est pour ça que j'ai précisé que nous parlons de l'athéisme d'une manière générale. Car il faut savoir que tous les athées ne se ressemblent pas. Ça, c'est quelque chose, un constat. Tous les athées ne sont pas semblables. Et tous les athées ne sont pas athées pour les mêmes raisons. C'est pour ça, nous parlons d'une manière générale de l'athéisme, et surtout nous parlons de l'athéisme cohérent en lui-même. Pour l'athée qui adhère à un athéisme et qui se conforme à ses principes, à ses règles et à ses lois. Après, si un athée vient aujourd'hui, il nous dit qu'il croit à la bonne moralité, qu'il croit aux valeurs humaines, nous lui disons, toi, t'es pas dans l'athéisme, t'es dans une incohérence avec l'athéisme. Et ça, nous allons le comprendre petit à petit à travers ces cours. Donc, l'homme pour l'athée est tout simplement le produit hasardeux des interactions de la matière, et l'existence de cet homme est égale à l'inexistence de l'homme. Il est semblable à un animal, un insecte, ou une goutte d'eau. Il est semblable à n'importe quelle autre matière. C'est pour ça que la vie humaine, comme toute autre vie d'ailleurs pour les athées, n'a aucun sens. Elle est dénuée de toute signification. Et en réalité, pour eux, la vie ne représente qu'une très courte parenthèse dans l'histoire absurde de l'univers. Pourquoi on dit absurde ? Absurde dans le sens où rien n'a de signification particulière pour lui. Il n'existe aucun absolu. L'homme, il n'existe que pour mourir. Il n'a pas d'objectif, il n'a pas de but. Comme a dit un des plus célèbres athées, il a dit « L'homme est un robot programmé à l'aveugle afin de préserver ses molécules égoïstes qui sont nommées des gènes. Celle-ci est la seule fonction de l'homme dans l'athéisme. » Donc l'homme est semblable à un robot programmé à l'aveugle. Et ceci afin de préserver ses molécules et la matière de laquelle il est composé. Et c'est pour ça, celui qui en parfaite cohérence avec l'athéisme, il ne reconnaît l'existence d'aucune moralité, aucune valeur. Il n'a pas de but dans sa vie, ni de finalité, car il est constitué d'un ensemble de molécules qui ont existé pour disparaître tout simplement. Et le seul sens que les athées puissent avoir dans ce bas monde, dans cette vie, sur terre, c'est de profiter un maximum de leur vie. C'est ça le seul sens qu'ils arrivent à se donner quand ils arrivent à se donner un sens à leur vie. Donc, quand on parle de l'athéisme, on parle également des causes qui poussent les gens vers l'athéisme. Les causes qui poussent les athées vers l'athéisme. Qu'est-ce qui fait? Car la base chez l'homme, c'est de suivre sa nature humaine saine, de suivre ses instincts, ses intuitions, sa raison. Tous lui indiquent l'existence d'un Dieu créateur, d'un Dieu transcendant. Mais qu'est-ce qui fait que l'athée, il peut aller à l'encontre de tout cela? Les raisons sont multiples. Et on n'est pas là pour yani, les citer toutes. Mais à titre d'exemple, ça peut être la cause, ça peut être l'indignation face au mal commis par des chrétiens. C'est pour ça les athées du 18e, 19e siècle, les problèmes qu'ils avaient avec les religieux, c'était des problèmes avec les chrétiens en particulier. Et les contradictions qu'ils arrivaient à déceler dans la religion, c'était dans la religion chrétienne. La religion chrétienne, telle qu'elle a été révélée, c'est la religion d'Allah. C'est une religion de vérité. Mais après, les falsifications et les modifications qui ont été introduites dans cette religion, c'est là où on trouvait les contradictions. Mais la religion avec laquelle a été envoyé Jésus, qui est un homme et un messager et prophète, comme tous ses frères parmi les prophètes et messagers, que Allah a envoyé à l'humanité. Il n'est ni fils de Dieu, ni l'incarnation de Dieu. Et le Dieu, il est unique. Le Dieu est unique. Il n'a pas été engendré comme la croyance des musulmans. Donc, ça pouvait être cette indignation face au mal commis par des chrétiens. Comme aujourd'hui, ils peuvent accuser l'islam à cause d'attentats terroristes qui sont faits par des gens qui se disent musulmans. Ça peut être des musulmans égarés ou autre chose. Mais l'islam n'a jamais appelé au crime. L'islam a enseigné la sacralité de l'âme humaine. Également parmi les causes, ceux qui prennent l'individualisme comme un absolu. Ils disent si Dieu existe, l'homme ne sera pas la haute et la plus importante chose dans l'existence. Donc, forcément, Dieu n'existe pas. Et ça, c'est une forme d'égoïsme et d'orgueil que nous pouvons constater chez certains savants et certains philosophes. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, ils le disaient explicitement. Ils parlent de leur personne comme si c'était eux la divinité. Comme le disait Nietzsche, que avant lui, l'humanité était dans le désespoir. Il n'y a pas d'espoir pour l'humanité qu'à travers lui et qu'à travers sa personne. Donc, un orgueil et un individualisme qui poussent vers l'athéisme. Aussi, certains qui ne veulent pas se conformer à une loi. Et ceux qui veulent aussi être différents. Et ça arrive, c'est un phénomène qui touche les enfants et les adolescents d'une manière générale. Qui aiment le non-conformisme. Ils suivent l'athéisme juste parce que c'est une idée nouvelle, c'est différent, c'est pas comme ce que nos parents ont connu. D'autres athées, le motif de leur athéisme, c'est le libertinage. Naam, c'est constaté que beaucoup sont athées parce que l'athéisme, comme ils le pensent, rend plus facile de vivre une vie sexuelle libre, totalement libre, dans laquelle il n'y a pas d'interdit. Et ça peut choquer, mais qu'est-ce qui empêche un athée d'avoir des rapports avec sa propre mère ou avec sa sœur? Comme nous allons le comprendre, nous, on est le fruit de la matière, dans laquelle il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de critères pour le bien et le mal. La matière est neutre. Donc, qu'est-ce qui fait que ça c'est un bien ou c'est un mal? Il n'y a aucun critère pour le bien et le mal dans l'athéisme. C'est pour ça l'athéisme, ça ouvre la porte de ce libertinage au maximum. Et ça peut séduire certains. Également parmi les causes qui sont très très répandues, c'est la haine de Dieu. Certains athées ont la haine de Dieu. Et ils pensent punir leur créateur en déniant son existence. Ils pensent ainsi le punir. Et en réalité, ils ne font que punir leur propre personne. Et à travers les dialogues avec certains athées et ce que beaucoup de personnes rapportent de ces échanges avec les athées, il est constaté que même les plus grands penseurs, les plus grands philosophes athées, ils ont subi des drames et des épreuves tragiques dans leur vie qui a donné lieu à ce sentiment de haine contre Dieu. C'est pour ça que le plus souvent les athées s'appuient sur le dilemme du mal, ce qu'ils appellent le problème du mal. Car ils se font une mauvaise conception de ce qui est le divin. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir, Inch'Allah, dans les détails. L'athéisme s'appuie sur deux choses principales pour se légitimer. Il s'appuie sur des théories ou des hypothèses scientifiques expérimentales. Et il s'appuie également sur des pensées philosophiques. En ce qui concerne les théories scientifiques expérimentales, il est constaté que ces théories-là, ou bien ce sont des théories erronées et fausses, ou le deuxième cas, il s'appuie sur des théories qui sont justes, mais en faisant des mauvaises déductions et en aboutissant à des conclusions que ces théories n'indiquent pas forcément. Et la théorie la plus importante qu'on peut appeler la pièce la plus importante sur laquelle s'appuie l'athéisme, c'est bien évidemment la théorie de Darwin. La théorie de Darwin. La théorie de Darwin, qu'il a décrit dans son livre L'origine des espèces, donc cette théorie qu'il a décrit dans son livre L'origine de l'espèce, des espèces, et à laquelle il est arrivé après son long voyage maritime à bord du navire de Beagle, de là est née chez lui l'idée que les animaux ont évolué progressivement et ils sont passés d'une espèce vers une autre. Et c'est là où il a sorti son premier livre, L'origine des espèces, en l'an 1859 grégorien. Après, il a sorti son deuxième livre, L'origine de l'homme, en 1871. Et les ouvrages et la théorie de Darwin est devenue la base solide sur laquelle s'appuient les athées pour justifier leur athéisme et leur reniement du Dieu créateur de toutes choses. Un point très important à constater avant de rentrer dans les détails de cette théorie, c'est que Darwin lui-même, il a dit « Jamais je n'ai nié l'existence de Dieu. Je crois la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. » Et il a poursuivi en disant « Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. » Donc, Darwin, avec sa théorie, il n'a pas voulu réfuter l'existence de Dieu, mais il a cherché à expliquer le processus à travers lequel on est arrivé à cette diversité dans la création. Et ce qu'il faut savoir en ce qui concerne cette théorie également, c'est que cette théorie, elle ne permet de répondre qu'à 10% maximum des espèces. Et elle n'aborde même pas la totalité des espèces existantes sur Terre. Elle n'explique pas non plus l'origine de la vie. Donc la théorie, en réalité, elle explique le processus qui a permis, selon cette théorie, d'arriver à cette diversité dans la création, tout simplement. Et nous allons voir en détail les lacunes de cette théorie et les erreurs dans cette théorie que les scientifiques ont prouvées. C'est pour ça que cette théorie, aujourd'hui, elle est dépassée. Et elle est démodée. malgré qu'il continue à l'enseigner dans les écoles comme si c'était une vérité scientifique. Pourquoi les athées s'accrochent tellement à cette théorie et à chaque fois que la science arrive à prouver des erreurs dans cette théorie, ils essayent de les combler et de réadapter la théorie à la science, à la nouvelle science. Comme avec la science de la génétique et les découvertes de Mendel. Donc, pourquoi ils s'attachent tellement à cette théorie? Ils veulent la garder, car pour eux, c'est la seule alternative. C'est la seule alternative qui permet de légitimer l'athéisme et de rejeter le Créateur. C'est pour ça, tout est misé sur cette hypothèse. Elle est enseignée dans les écoles aux enfants, en bas âge, comme si c'était une vérité scientifique. Elle est propagée dans les films, dans les spectacles, afin que les gens grandissent avec, comme si c'était quelque chose qui n'a pas besoin d'être démontré, comme si c'était une réalité et une vérité prouvée. Et même le scientifique est celui qui adhère à cette théorie. Celui qui la refuse, ou même celui qui émet des doutes à son sujet, il est exclu et mis à l'écart. Et ça, c'est quelque chose de connu. C'est pour ça la plupart de ceux qui enseignent dans les universités occidentales, ce sont des athées. Et c'est pour ça qu'ils font croire aux gens que tous les scientifiques acceptent la théorie de Darwin. Avec une simple recherche sur Internet, vous pouvez arriver à tous les scientifiques occidentaux qui rejettent la théorie de Darwin et qui disent qu'elle n'a pas de fondement scientifique. Donc, cette théorie de Darwin, elle est basée sur deux principes fondamentaux. Elle est basée, la théorie de l'évolution est basée sur deux principes fondamentaux. Le premier, c'est la mutation aléatoire. C'est quoi la mutation aléatoire? C'est une évolution génétique de l'espèce qui permet d'avoir des caractéristiques nouvelles qui ne viennent pas des ascendants. Ces caractéristiques n'existaient pas chez les ascendants, mais qui seront communiquées aux descendants. Et ça, c'est avant la découverte des lois de la génétique par Mendel, des scientifiques comme le chevalier de Lamarck, ils pensaient que la girafe, parce qu'elle avait besoin de manger sur des arbres très hauts, c'est comme ça que son cou est devenu lent. Et ensuite, elle a communiqué cela à sa descendance. Après, ils ont découvert que les caractéristiques acquises ne se communiquent pas. Et ils ne se communiquent que ce qui est dans les gènes, dans les codes génétiques, dans l'ADN. C'est seulement ça qui se communique. C'est pour ça, là, encore une fois, ils vont réadapter la théorie. Donc, le premier principe sur lequel est basée cette théorie, c'est la mutation aléatoire. Et le deuxième, c'est la sélection naturelle. Ils disent que les individus les mieux adaptés à leur environnement seront les plus aptes à survivre et que les autres vont disparaître. La loi du plus fort, la loi du meilleur. Mais remarquez que cela n'explique pas la beauté, n'explique pas la moralité, n'explique pas les instincts, n'explique pas l'intuition. Et même cette sélection naturelle qui a été mentionnée par Darwin, ce n'était pas une nouveauté dans le milieu scientifique dans le 19e siècle. On trouve par exemple ce concept de la sélection naturelle qui existait chez William Charles Wells, en 1813, c'est-à-dire bien avant Darwin. Bien avant Darwin. Et aussi chez Patrick Matthew, qui a même accusé Darwin de plagiat, d'avoir pris sa théorie. Et également Alfred Wallace avait conçu une version comparable à celle de Darwin en même temps que celui-ci. Sans oublier d'autres qui avaient fait des travaux identiques au travail de Darwin. Donc ce n'était pas une nouveauté. Mais qu'est-ce qui a fait que Darwin est devenu autant célèbre? Tout simplement, donc cette idée existait bien. Mais qu'est-ce qui a fait que Darwin est devenu autant célèbre? C'est le moment qui était propice. La seconde moitié du 19e siècle a vu le triomphe du libéralisme économique. Et Darwin, en quelque sorte, il a apporté à ce mouvement économique un argument de poids en lui donnant un fondement naturel. C'est autorisé et c'est tout à fait naturel que le plus fort écrase le plus faible. Le plus fort écrase le plus faible. Et beaucoup de philosophes l'ont dit explicitement. Donc, cette théorie qui a fait autant de bruit à cette époque-là et qui a contredit la version chrétienne du monde et de la création, malgré ça, elle représentait déjà à l'époque des lourds handicaps. Et c'est pour ça, dès l'apparition de la génétique et des lois de l'hérédité, on a constaté encore plus de lacunes dans cette théorie. C'est pour ça que cette théorie a connu une éclipse à partir de la mort de Darwin en 1882. Et après la redécouverte des lois de Mendel sur la transmission héréditaire, en 1900, c'est là qu'une science nouvelle, la génétique des populations, c'est là qu'elle va se retrouver et va mettre en avant cette sélection naturelle, encore une fois. Mais ce que les résultats auxquels est arrivé Mendel étaient contre les principes de la théorie de Darwin et de cette évolution. Et ça, nous allons le détailler quand on va parler de cette théorie, car c'est la pièce la plus importante sur laquelle s'est fondé l'athéisme de notre ère. Nous allons revenir, Inch'Allah, plus en détail sur cette théorie dans la rencontre de demain, si Allah nous le permet. Nous allons nous arrêter ici et nous continuerons demain, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته